Ça va aider, hein? Oui, on est en poste. Ok, donc ça va barder maintenant alors. Oui, ça va, Bardel. Voilà. Donc je vais prendre quelqu'un en Belgique aussi, d'accord? D'accord. Elle est où là, celle-là? En Belgique, ça va? Ça va. On ne te voit pas. Tu es où? Pardon? Tu es supportable. Oui. Bonsoir à aider à une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir en Belgique. Bonsoir. Aider à voici Jeannot qui est arrivé. Je Papa est allé casser caché où? Il arrive. Ok, on va bientôt commencer. Prenez les Bibles. Alors, dites-moi, la semaine dernière, pour ceux qui avaient été là, vous avez prié. Il veut que chacun me raconte son expérience à la maison. C'est comment? Ça, c'est clair que ça va plus que là. C'est comment? Ça veut dire que quand on priait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand vous êtes rendu, vous avez prié, c'était comment? Vous ne voulez pas qu'on prie? On va prier. Vous avez fait un. Depuis que je suis allé prier, pas vrai? Parce que c'est pas chercher les gens qui ont le problème pour venir ici, mais même les souffrir ici. Ce qui s'est passé, frère, oui. Lorsque nous sommes rentrés ce jour, après la prière, oui. Au lendemain, Oui. comme on parle. On se demande, vous voulez, je vais faire mon champion, j'arrive. Oui. Il y a un qui venait de la porte de la chambre. Oui. L'autre venait du côté de. Tu vois, c'est pas. Un troisième venait du côté de la porte. Oui. Il s'enfuit oui. de tous les côtés, mais il n'y a pas moyen. Oui. Mais les serpents ne l'ont pas mordu. Oui. Tu te connais. Tu savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que quelque chose n'allait pas. Donc, le but que le Seigneur veut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on découvre avec les petites forces spirituelles là, qui dérangent notre famille et nous fous-mêmes. Tu veux. Vous êtes d'accord avec moi? Comment vous êtes comme ça là? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? On voit la bouille là-bas, on se salue, on rentre. Comment vous regardez comme ça, comme les statuettes? Il dit que le but, c'est que le Seigneur, vous êtes d'accord? Amen. Tu te donnes que quoi? Tu fais la parole. Non, ce n'est pas arrivé. Tu veux quoi alors? Donc, en parlant du serpent, moi, dès qu'on songe, on le voit le serpent dans la chambre de l'église. Tu as des Non, pas poursuivre. Tu as le feu comment? J'étais en train de passer, j'ai vu le serpent, je pense que j'ai chassé. Et cette fois-ci, j'ai tué. Mais, quelle a été votre expérience? Vous voyez l'assemblée? Oui. Bon, il y a d'autres têtes brûlées là-bas qui n'aiment pas parler. Allez, voilà là-bas. Salut, allez, les gens. Salut, les frères. Bonsoir, dans la paix du Seigneur. Amen. Salut. Voilà, vous voici. Voilà. Mais quand on va boire la bouillie, on ne pourra rien faire pour vous. Hein? Tu vas parler par téléphone. On a votre bah, tu fais, tu sais que la bouillie circule très vite par SMS. Ok, bouillie, on a votre bouillie par SMS. On va vous envoyer bouillie par SMS alors. Vous allez mettre l'arôme magique là. Oui. Bon, préparez-moi. Mais je suis désolé que la soeur n'ait pas sa vidéo parce qu'il aurait souhaité étendre la main chez toi pour prier en te voyant. Elle ne me voit pas. Il dit qu'on ne te voit pas parce que tu es supportable, c'est ça le problème. Le seul dédié Attends, à. attends, je... attends, Oui. attends. Je crois que je ne sais pas qui est-ce qu'on peut ajouter là. Vous me voyez? Attends, un peu, voyez. Parce... Ben Voilà. Voilà, on te voit maintenant. Dis à l'homme bonsoir maintenant à la sœur Mesmine. Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez, non? Bonsoir. Aider, vous voyez celle qui est en Belgique? Non. Mais vous. On... C'est pas elle qui a agité le. Non. Regardez, vous voyez quelqu'un, c'est mais salut maman Dédéa. Je la vois, je vois la soeur, je la vois. Voilà. Et moi, je ne te vois pas. Tu es de quel côté? Je suis en Belgique, je suis à Liège. Non, non, non, pas comme ça. Mais je... Si

climatisé, tout, en fait, tout est là. Tout ce qu'on veut, c'est que on t'enseigne cet appareil-ci pour que plus tard tu vas enseigner dans les universités fraîches. Tu vas enseigner à l'université, tu vas enseigner à l'université à Luanda, en fait, dans toute l'Afrique, partout par où je vais aller. Donc vous imaginez ceci. Je suis rentré, resté au pays, j'ai prêché l'évangile. On m'a appelé un de ces jours, on a appelé son professeur de mon épouse que, « Are you Mr. Chanda? Yes. Your business, I want to see you in Nigeria. » Il est ok, understood. J'ai raccroché le téléphone. Il a dit, aussi vivant que Dieu est vivant, s'il veut que je parte au Nigeria, qu'il trouve le billet d'avion. Vous suivez ça, hein? Aussi vivant, si Dieu est vivant, et qu'il veut que j'y aille, qu'il me trouve le billet d'avion. Le billet d'avion, pour l'instant, il y avait une seule compagnie à ce moment-là, la compagnie de Nigeria, c'est aux environs de 300 000 francs, le billet aller, parce qu'on devait payer seulement aller. Il ne peut pas prendre le billet aller avec toi, parce que c'est 2 ans. Alors, ha! Les gens vont envoyer le feu sur les choses qui bloquent les finances. Tout ce qui bloque les finances, les frères j'ignore. Que l'onction de Dieu brille au nom de Dieu, que 300 000 sont. J'étais calme, moi c'est mon épouse, Dieu était moi. J'étais calme, pas perturbé, calme. Parce que je pouvais rester au Nigeria durant ce moment-là, attendre qu'on sorte là-bas. Si on sortait au Nigeria, il était parti seulement avec la voiture, aller là-bas. Je suis rentré au Cameroun. En allant au Cameroun, en allant au Nigeria, je suis allé par mer, arriver prendre la voiture jusqu'à Abuja. Je suis rentré encore de la même façon, arrivé ici. Ils leur ont dit que je ne voyage plus par terre, ni par mer, je voyage par air. Parce qu'il a fait terre et mer, il faut air. C'est pas ça, frère? Voilà. Les gens ont prêté de l'argent fatigué. Il fallait 300 000 pour acheter des billets d'avion. Pour que je parle. On a appelé, on ne fait jamais cela. On m'a envoyé des emails. Envoyé des emails fatigués. Ce sont les choses normalement que c'est sélectif. Ou un email, on dit que c'est 3 personnes qu'on sélectionne en Afrique. On m'a sélectionné. Après, on met les gens sur la liste d'attente. On m'a sélectionné, on a appelé fatigué, ça m'a donné encore 30 jours. On a dit que après un mois, vous ne venez pas, on sera obligé de vous. Parce que les gens, on a recommencé le cours. 30 jours sont passés. Chaque jour que Dieu a créé, j'ai parté au bénitaire avec mon frère. Brrrr, ils appellent. Zénabou, c'est ce qu'il avait arrêté les autres, non, les autres. Zénabou. Mais ça tient d'abord. I'm coming. Yes, I'm coming. I'm still waiting for the flight ticket. Parce que le problème, c'est que si tu es attiré à l'aéroport, ils envoient l'avion. Quand tu cales ton vol, tu envoies la copie. Ils envoient quelqu'un à l'aéroport pour prendre. Quand tu entres dans l'intérieur de l'université, tu ne sors pas jusqu'à ce que c'est pour voyager. Voilà. Donc ils viennent m'attendre à l'aéroport. Alors chaque jour, ils appelaient. Chaque jour, ils appelaient. En les gens se battaient pour chercher. Moi, j'étais calme. Oh frère, qu'est-ce que tu fais? On te trouve 5 ans, mais tu prends. Non, il dit. Je ne veux pas de. Enfin, si c'est prenais 5 ans, mais je vais manger. Je ne veux pas prendre. Il dit que. J'ai dit, je ne voyage pas par terre. Si Dieu veut que je parte à cette formation, qui me trouve le billet d'avion. Dieu est incapable de trouver le billet d'avion, frère. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur chez qui il prêchait, on est un à l'étage comme ça, c'est un gars, c'est un battant. Il est allé voir même un de ses amis qui est comme ça, qui est commerçant partout, les grands commerçants de Mopi. Pourquoi on lui donne 300 000? On n'a pas donné 300 000. Vous savez quoi? Le 30e jour, qui était l'état de toi, ils m'ont appelé que le Havre. Nous sommes désolés. Ce sera la fin. Qu'est-ce qui est arrivé 2 jours après? Il a eu 500 000. Pourquoi il a 500 000 après peut-être 2 mois, quand la date butoir est passée? Comment c'est 500 000? Il dit non, pas parce que c'est pas dans le délai, on a déjà dit que c'est coupé. Donc il pouvait avoir l'argent avant si Dieu avait vous volé. Et encore, ce qui est encore plus frappant, c'est que après quand ce scénario passe, je vais revenir. Quand ce scénario passe, je vais à Yaoundé, j'entends quelqu'un m'appelle, oui, c'est vous le génie, oui. On m'a dit que vous connaissez bien le Nigeria, vous avez été en plus, vous êtes bilingue, oui. Il veut que je m'accompagne au Nigeria. Il dit que moi je suis partant. Du moment où c'est pas vrai qu'il paye billet d'avion. Je suis venu la parole par accompagner au Nigeria. Il dit ok, viens. Il a acheté mon billet d'avion, son billet d'avion. On est là au Nigeria, aller et retour. Vous comprenez ce que ça veut dire, frère? Donc ça veut dire que si Dieu voulait, il faut dire. La personne ne connaissait pas parce que moi je suis habillé comme ça, accompagner au Nigeria. On est allé au Nigeria ensemble. Il a payé l'hôtel, on vivait dans l'hôtel. Puis on a payé le billet d'avion. Rentrer, aller et retour. Je vais pas dépasser 5 francs. Donc ça veut dire que si Dieu voulait qu'il aille au Nigeria, pouvait aller au Nigeria. Donc ça veut dire que ce n'est pas la voie de Dieu. Là. Il ne voulait pas qu'il parle de 24 millions. 24 millions sur le plan humain. Wow, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ta vie coûte combien? Et ta vie là, tu as donné 24 millions que tu fais ta vie, tu vas apprendre. Pour ta délivrance, tu peux payer combien à Dieu pour ça? La vérité, vous avez compris à chacun de vous là. Combien pour payer à Dieu pour cela? Alors je pose la question maintenant. Revenez en arrière. Si vous avez assez de 24 millions, où serez-vous? Pas seulement vous, ceux du monde entier qui sont dessus les enseignements et sont délivrés. Ces milliers de personnes là, ils seront où à cause de 24 millions? Ou bien à cause de la notoriété qu'on devait, on m'a entendu que waouh, il y a un professeur là-bas parce que le bagage que Dieu a mis en moi, c'est tout là-dedans, c'est pas bon.

Je t'ordonne de libérer sa vie. Je commande. Sors. Je te commande. Priez. Sors. Priez.

Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle sans lui faire du mal. Sors d'elle sans lui faire du mal. Non, c'est sors d'elle. Sors d'elle. Enlève la main, enlève la main. Sors d'elle sans lui faire du mal. Sors d'elle sans lui faire du mal. Tout ceci va sortir. Ceci va sortir. Ceci va sortir. Tu es devenu la femme et sa soeur Jésus. Tu vas où? Va là-bas. Tu manges la nuit. Allez, sors. Sors maintenant, sors, lâche ton ventre maintenant, elle est devenue votre aéroport, sors. C'est la, le Roissy Charles de Gaulle. L'aéroport. 400 avions par seconde. Hé! Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors dedans. Sors. Ça c'est le poison qui a pris du temps dans son corps. Ça a intégré son système. Regardez le sang. Regardez le sang là. Sors d'elle maintenant. Vieille mère. C'est ici comme ça entre par les rapports sexuels illicites. Ça, c'est ça qui cause notre situation. Aéroport de Jurassic Charles de Gaulle. Sors! C'est Charles de Gaulle ici là. Pourquoi le Boeing 737 de Kenya Airways, on chasse ça maintenant. Sors! Regardez. Kenya Airways, sors! Ah, c'est Kenya Airways. Sors de son aéroport. Il n'a pas payé le droit. Pour n'avoir pas le droit d'être là-bas, c'est Christ qui a racheté. Acheté son vent. Sors! Regardez là. Sors! Kenya Airways, son avion est rouillé, mais vous voyez. L'avion de Kenya est rouillé. Sors d'elle. Sors. Il y a beaucoup d'argent ici. Pas ça. Qui s'en va, toi? Pas qui a ta chose. Sors ses entrailles. Lâche ses entrailles maintenant. Ça, c'est qui maintenant? C'est la Concorde. Sors! Comment c'est là? Comment c'est là? Quitte son ventre. Non, mais c'est pas croyable ça. Vous allez m'amener où ici? Sur cette terre-ci là. Sur cette terre-ci. Vous allez m'amener où? M'amener où? Quitte son ventre! Qui ton ventre? Pousse la tête comme ça, sinon elle va se lever la regarde. Je vais ça. Voilà. Mets là. Non. Là. Ici. Voilà. Qui maintenant? Qui? Nom de Jésus de Nazareth. Donc c'est le supermarché seulement dans son ventre comme ça. Les gens achètent des ventes là-bas, ils sortent pas de tout. Non, le chien, c'est parce qu'il a le fait de la paix. Sors maintenant. Sors, quitte. Quitte! Je sais pas qu'on boit la bouillie ce soir-ci. Sors là-bas! Sors! Allez, sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Apporte-moi ça là-bas. Apporte, tout ce qui est casé, ça va se couler à soi. Apporte de ça là. Sors! Ici, maintenant, c'est une vieille maman, c'est une vieille mec qui se cache là-dedans. Regarde ça. Tapote là-bas! Toi, il dit ta porte ici. Non, mais c'est pas croyable. Toi, viens, mais sors maintenant. Quitte ton corps. Maintiens là en même temps, maintiens. Toi aussi, quitte ton corps. Quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Regarde ça. Quel est le chien qui ne mord pas? Sors! Fais attention là, maintenant ça va parler là. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Ta porte. Là-bas, t'es son dos là. Voilà. Mais c'est la même là-bas. Toi, viens, mais sors. Sors. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Que des sorties maintenant. C'est le moment. Sors. Sors. Thank you. c'est là. Là, c'est là. Je. Tu commandes quoi? Reste tranquille, mets la main là-bas. Reste tranquille. Tu l'as commandé depuis là, je sais quoi. Reste tranquille, tu vois, c'est bon. Donc, ses reins sont attachés au point où, si vous voulez, vous pouvez voir l'autre ici là maintenant. C'est comme si quelqu'un qui est attaché, on a attaché la. Vous savez, quand on attache le chien ou bien un animal, c'est parce que la ceinture ou bien le fil de fer entre dans sa chair. C'est comme ça, ses reins là. Regardez ça, regardez. Il faut détacher ça. Il faut détacher ça. Laisse son dos maintenant, laisse son dos. Il faut détacher ça. Il ne détache pas l'autre ici là. Parti pour Sarah Fadou là. Lève-toi madame, lève-toi. Voilà. Quitte là-bas, quitte là. Quitte là, toi aussi. Lâche-toi. Vous venez de caresser, vous êtes fatigué, vous quittez, vous allez venir un jour, personne ne rentrera. Lève-la. Ne cache pas, ne dis pas qu'il est mauvais. Hein. Tu es bouddhiste, va pas comme ça là-bas. Thank you. Sors, sors, dis donc, vomis ça. Hé hey. Sors, tout, tout, tout. Vous allez chercher le problème dehors, c'est sûrement dès que vous venez mettre. Je lui dis, je vais le voir avec son mari, d'accord? Grande maladie. Lâche-la! Lâche-la! C'est fort maintenant par ici là. Je vais te tuer. Et c'est toi qui m'as amené ici aujourd'hui. Je vais te tuer. Lâche-la! C'était toi. Au moment où tu précises, que demain matin, même la bouille là-bas, c'est le croisé. Il y a qui d'autre là? Pasteur, comment tu baisses la tête sur moi? Tu es un pasteur, non? Viens. Il n'y a pas de pasteur sans la foi, n'est-ce pas? Tu as la foi? Viens. En fait, on fait comment avec ce que tu es? Chasse là. Assieds-toi, madame, assieds-toi. Waouh. N'oublie pas là. Ça va arriver. Il y a quelque chose qui sont venus ici. Ils m'ont menti. Donc, venez voir les faits. Ils vont me dire cela face à face. Donc, depuis le temps de prier pour vous, il dit, qu'est-ce qu'il y a de commun là? Depuis 3 jours, 4 jours, le temps de les suivre. Il dit qu'ils sont venus ici. Ils ont dit que je suis pas prêt. Pasteur, vas-y. C'est comme des anciens. Tu regardes où c'est pas là-bas qu'il y a le problème, C'est là-bas. Dans la main là-bas. Attends, tu fais quoi? Dans la main là-bas. Yo, nom de Jésus Nazareth. Dans cette rue-là, tu vas dire, non, Dieu, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Yo, nom de Jésus Nazareth. Je t'ordonne. Non, de Jésus Nazareth. Blague là-bas. Bon, toi-même, on voulait te nommer ancien. Hein? On voulait te nommer ancien ou même vouloir te nommer ancien. Non. On ne veut pas te nommer ancien. Hein? Donc, ça veut dire que tu peux être, si tu fais ça, on te nomme ancien. Comment t'as dit? Même pas d'habillement, même pas de fraîcheur. On va voir. Pasteur, on a dit. Si. Personne ne coupe le jeûne ici ce soir, c'est que c'est à cause du pasteur, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Le frère Stéphane qui est là-bas, Steph qui est là-bas avec sa femme, il peut manger tranquillement. Nous voici ici, là, on est à peine, on est protégé. La soeur en Belgique, là, assieds-toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Waouh! Comment tu te sens? Amen. Comment tu te sens? Bien. À la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, vois seulement le pasteur ici là maintenant. Observe seulement ici là maintenant. Il a été supplié quelqu'un que pardon, ne tue plus ton mari. Si, regarde ici là, mieux. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Il parle en langue. Il fait quoi? Il prend l'influence. Il donne les doléances. Il dit s'il te plaît, demande, ne nous fais pas rater le. Ancien leader vient lui dire comment on peut. Laisse. Ouais, les femmes, vous nettoyez ici en attendant. Nettoyez que Dieu vous bénisse. Vous regardez ça, c'est le sang. Ça, c'est le sang mêlé avec le poison. Ça. Regarde ça. Ouais, le sang dedans, n'est-ce pas? Ouais, n'est-ce pas? Vous marchez avec ça, avec le poison dans le système, avec le poison dans le corps. Alors, on vous envoie des esprits, vous vomissez. Les substances dans lesquelles qu'ils avaient mis dans votre corps sortent comme ça. Là. Vous ne connaissez pas quel est le poids de cette maladie qui est sur le corps. Vous marchez comme ça. Celle-ci, elle a de maigrir, elle a de se petit feu. Comme ça, je ne sais pas d'où ça vient. Oh. Moi, ici, moi, chez moi. Fais ce que vous voulez qu'on doit vendre. Ne fais pas. Tu pars où? Tu vas l'aider, c'est ton frère. C'est qu'un souffle, tout souffle ensemble. Tu veux la fuir. Il n'y a pas de problème. Voilà, plus ça va plus non. Dis-le, dis-le. Pasteur, commande là-bas, on veut entendre ce que tu dis. Ouais, on vient de fond. Et attends, on met ce cadre au niveau. Viens, frère. Frère, il est fatigué. Vas-y, là-bas, prends ta position. Tu es un ancien leader, non? Reste là, viens sur ça. Olivier, le nom de Jésus-Christ avance là-bas. Tu as le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu dis au pareil là-bas dehors que le nom de Jésus-Christ est puissant, non? Vas-y là-bas. Fais la quelconque. Fais Judas, donne la Bible en sec, là tu vas voir. Allez. Alors, il y a une Pasteur. Tu prends le nom du Seigneur Jésus. Comment vous arrivez n'importe qui à vous trembler comme ça là? Au nom de Jésus, tu connais le nom de Jésus, non? Tu l'aimes? Avance. C'est la même chose à les gens. Le Seigneur Jésus te demande de libérer ce corps. Libère ce corps aujourd'hui. Libère ce corps. Le Seigneur Jésus est le même aujourd'hui et demain. Libère ce corps. Que ce corps soit libéré. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Que ce corps soit libéré. Je te donne de libérer ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Vous allez voir ce que vous allez dire. Eh, mais prends ici Jésus, il prend. Va avancer là. Libère ce corps. C'est ici qu'on vous attend. Au nom de Jésus, je te demande de libérer ce corps. Libère ce corps. Reste, tu viens. Libère ce corps. Libère ce corps. Je te demande de libérer ce corps. Hein, frère Steph?